بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان الحمد لله علام الغيوب وكشاف الكروب وستار العيوب الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد frères, une fois de plus, j'ai l'occasion et la responsabilité, la lourde responsabilité de vous parler d'une étoile, d'une galaxie, d'un univers. Comme je disais à mon très bien-aimé frère Bouzaï tout à l'heure, ça va être difficile. Parler d'Ibn al-Qayyim, c'était plus ou moins facile, parce que c'est le découvrir à travers une lecture. Et malheureusement, nous n'avons pas pu le voir ou l'entendre directement. Amma shaykhuna الذي سنتحدث عنه الآن quant au shir sur lequel nous allons parler tout de suite, il est mort il n'y a pas de ça longtemps et certains parmi nous ont eu l'extrême privilège de pouvoir s'asseoir devant lui et de pouvoir parler avec lui. D'autres qui n'ont pu le voir que dans des vidéos ou bien qui n'ont pu l'écouter qu'à travers ses cassettes. On va parler ensemble, mes frères. سماحة الوالد مفتي الأنام شيخ الإسلام أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc, Cheikh Ibn Baz avait comme kunya Abu Abdillah. Et on se souvient hier qu'on a dit qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait comme kunya aussi Abu Abdillah. Et la kunya de l'imam Ahmed était Abu Abdillah. Et la kunya de Shafi'i était Abu Abdillah. Et la kunya de Malik était Abu Abdillah. Et la kunya d'Al-Bukhari était Abu Abdillah. Et la kunya de Soufiane al-Thawri était Abu Abdillah et d'autres. Un point où les mu'arrikhoun, ils ont dit que cette kunya était la kunya des muhaddithin. Cheikhuna, comme on va le voir après, était un très grand muhaddith. Et ça, malheureusement, très peu d'entre nous le savent. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, est né à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Le 12e jour du mois de Dhul-Hijjah, en l'an 1330 Hijri. En l'an 1330 Hijri. Il est né grâce à Allah Azza wa Jal avec des facultés physiques que l'on trouve chez tout le monde, notamment la vue. Ensuite, il tomba malade en 1346. Une maladie qui toucha ses yeux. En 1346, donc il avait 16 ans. Cette maladie a touché son terme, a atteint son terme en 1350, où Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, devint aveugle complètement. Donc il avait, quel âge ? 20 ans. Il avait 20 ans, rahimahullah. Mais avant d'atteindre cet âge dans lequel il a perdu la vue, il a appris le Coran, comme il le dit lui-même, avant d'être pubère. Il a appris le Coran entièrement avant d'atteindre la puberté. Et Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, n'est pas de ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un mal, s'effondrent sur eux-mêmes. Et c'est comme si la terre les avait engloutis. Non. Une épreuve telle que celle-ci n'a éveillé en Cheikh Abdelaziz que des qualités immenses. Premièrement, nous avons un hadith dans lequel le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'Allah Azza wa Jal dit, من ابتليته في حبيبتيه فصبر عوضته بهما أو عنهما الجنة عوضته عنهما الجنة. Dans ce hadith Qudusi Sahih, Allah Azza wa Jalla dit, celui que j'ai éprouvé dans ses bien-aimés, ses yeux, et qui patiente, je lui remplacerai par le paradis. Sachez que cette biographie qu'on va voir ensemble sera pleine de témoignages de nombreuses personnes qui ont connu Cheikh directement ou bien de ses élèves. On a un katib de Cheikh, un de ceux qui écrivaient pour lui, qui nous dit qu'une année, il y a un frère de Belgique. J'étais étonné de savoir qu'il venait de Belgique. Il est venu voir Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, pendant qu'il a fait le pèlerinage. Et il a dit, Cheikh, il lui a dit, Cheikh, je t'offre un de mes yeux. On va à l'hôpital, on fait une opération et je t'offre un de mes yeux pour que tu puisses voir à nouveau. Cheikh Abdelaziz, rahmatullah alayhi, il a souri, il lui a dit, Barakallahu laka fi aynaik. Il lui a dit, qu'Allah mette la bénédiction dans tes yeux. Si Allah Azza wa Jal a choisi de m'éprouver par mes yeux, je patiente et qu'il en soit ainsi. Et on reviendra sur l'amour que les gens avaient pour Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et bien entendu, ce qui a poussé Cheikhouna à patienter quant à la cécité, c'est son immense foi envers ce hadith. Et d'ailleurs, la cécité n'a pas été pour lui un obstacle. Elle n'a pas été non plus une cause pour qu'il baisse les bras. Mais il a fourni des efforts. Il a, comme on dit, retroussé ses manches. Il a longtemps côtoyé les grands savants. Il les a longtemps écoutés et il a appris. Il a appris une quantité indénombrable de hadiths ainsi que de textes, comme on le verra par la suite. Le fait qu'il soit aveugle, du moins qu'il était aveugle, lui a permis aussi de n'avoir aucune valeur, de n'accorder aucune valeur à ce bas monde futile. On va le voir par la suite. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait de nombreuses fonctions au sein de l'État saoudien. Et donc, avait de nombreux salaires. Et vous verrez qu'est-ce qu'il faisait avec son argent, Cheikh. Et ceux qui l'ont vu sont unanimes pour dire que quand on le voyait, sans l'avoir vu auparavant, on n'aurait jamais imaginé comme ça. On l'aurait jamais imaginé comme ça. Il n'accordait aucune importance à son apparence physique ou aux vêtements qu'il pouvait porter ou autre. Il n'a accordé aucune importance à ce bas monde. Et comme les sahaba radiallahu anhum ont été décrits, ils avaient dunya dans la main, pas dans le cœur. Si dunya rentre dans ton cœur, c'est le début de la fin. Dunya, Allah Azza wa Jalla, il l'a servi pour ses créatures, pour qu'ils lui obéissent et qu'ils l'adorent. Pas pour qu'elles deviennent l'adorée et celle à qui on obéit. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on suit toujours les mêmes points dans les tarajim. Quand on fait une tarjama, quand on fait une biographie, on suit plus ou moins les mêmes points, c'est-à-dire le lieu de naissance ainsi que la date. Après, on a en général al-nash'atu wal-usra, comment il a grandi et la famille dans laquelle il était. Sachez que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était dans une famille qui était plus dirigée dans le fait de cultiver, de faire donc de la récolte, ou bien dans d'autres fonctions. Mais il avait un grand-père qui était juge. Il avait un grand-père qui était juge à Riyad. Et cette famille, qui n'était pas spécialement connue pour la science, a quand même su, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, inculquer à leurs enfants les principes de l'islam, la bonne éducation ainsi que le bon comportement. Donc Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a commencé son apprentissage de la science à un âge très précoce. Et il a, bien entendu, côtoyé les grands savants de son époque. Il a appris chez eux les sciences religieuses ainsi que la langue arabe et ses règles. Parmi ses plus grands professeurs, nous avons Mohammed ibn Abd al-Latif al-Sheikh, qui était un des petits-fils de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayhim ajma'in. Il avait aussi un professeur qui s'appelait Saleh ibn Abd al-Aziz al-Sheikh. Ce n'est pas le mufti actuel, même s'ils ont le même nom. Taïb. Et lui, à l'époque, il était un juge à Riyad. Il a eu un autre professeur qui s'appelle Sa'd ibn Muhammad ibn Hamd ibn Atiq, qui lui aussi était un juge à Riyad. Il a un autre professeur qui s'appelait Hamd ibn Faris. Et enfin, le plus grand professeur qu'il a eu et celui qu'il a le plus longtemps côtoyé et duquel il a appris le plus, sans aucun doute, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Il est resté avec lui pendant 10 ans. Et pendant ces 10 années, il a pris de lui le plus dans tout ce qui concerne les sciences religieuses, dans le hadith, al-mustalah, al-fiqh wa usuluhu wa al-aqidah. Et subhanallah, il a fait tout ceci en étant quoi? Aveugle. Et nous aujourd'hui, zamanul internet, oulala, on a tout. Et on n'a pas fait 1% de ce que ces gens ont fait avec rien. Vous ne posez pas des questions des fois, comment ça se fait? Salam. Comment ça se fait que eux ils ont atteint ces degrés avec rien, même moins que rien? Rien encore, tu vas te dire c'est quelqu'un de normal mais qui a aucun moyen. Là c'est moins que rien, c'est quelqu'un de normal mais qui a pas ses yeux. Mais Allah Azza wa Jal, quand il l'autre l'a vu, un de ses serviteurs pieux, il lui remplace par al-basira, par la clairvoyance. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Ces gens-là ne regardaient pas avec leurs yeux, ils regardaient avec leur cœur. Ils étaient clairvoyants. Et nous, quand on dit aux frères, est-ce que vous avez des activités dans l'apprentissage? Alors on entend un qui nous dit, je fais les livres de Médine. MashaAllah. Et toi, Akhi, tu fais quoi? Al-Usul Thalatha. MashaAllah. Et toi, Akhi, tu fais quoi? Médine. MashaAllah. Et toi, Akhi, tu fais quoi? Usul Thalatha. MashaAllah. 5 ans plus tard. Akhi, comment tu vas? Bikhir, alhamdulillah. Tu fais quoi aujourd'hui? Médine. MashaAllah. Et toi, tu fais quoi? Usul Thalatha. Wallahi. Je me suis absenté à l'étranger pendant 2 ans. Je suis parti, je connais un groupe de frères qui était dans le Usul Thalatha, qui devait être dans le Bab, où ça parle de Surat Al-Asr, avec le ta'liq de Shafi'i, rahimahullah. Je suis parti 2 ans. Je suis revenu, j'ai eu ce même groupe de frères. Je leur ai dit, vous en êtes où? Al-Usul Thalatha. Ah, taïb. Vous en êtes où? Wal-Asr inna l'insana fi khusr. Vous l'avez recommencé? Non, on est toujours au même endroit. Pendant 2 ans, subhanallah, vous n'avez même pas réussi à avancer d'une page. Hein? Alors là, les yeux deviennent tout ronds. Ils commencent à se... Tu sais, les tics qui viennent quand t'es nerveux, tu sais pas comment répondre, tu te grattes les oreilles, tu te tournes les pouces, tu te grattes ici et là. Je suis pas en train de dénigrer ces koutoubs, la bataille. Sachez, mes frères, que le tijan, il évolue. Et c'est en évoluant qu'il met réellement en pratique les principes qu'il a appris dans ses livres. Tu commences avec l'Usul Thalatha, les livres de Médine. Après, tu passes à Kitab Tawhid et à l'Ajrumiyya. Après, tu passes à l'Wasitiyya et à Qatlun Nada. Et après, tu fais le Tahawiyya et l'Alfiyya. C'est comme ça, Talib Ibn, normalement. Mais nous, non. Et le pire, c'est que ces frères qui font 6 fois l'Usul, ils sont même pas capables de te réciter le matn. Non? Où sont les frères qui apprennent les moutons? Toujours on se plaint, nous. Oh, on n'a pas de chouyouk. Taïb, ihfadou. Venons, on apprend. Est-ce qu'on a une interdiction sur le fait d'apprendre? Non. Alors, venons, on apprend. Venons, on consacre 1 an à apprendre les moutons. Chaque mois, on en fait un. Ce mois-ci, on fait le Usul Thalatha. Sans le charme, on fait que l'apprendre. Le mois prochain, on fait le Qawa'id Arba. On fait que l'apprendre. Le mois d'après, on fait le Usul Sitta. On fait que les apprendre. Pendant 1 an. Ben non, rien. Farir, vite. T'as tes yeux, t'as tes oreilles, t'as tes bras, t'as tes jambes, t'as tes doigts, t'as des stylos, t'as un ordinateur, t'as une voiture, t'as des mosquées, t'as des tolab al-ilm qui sont partis, qui sont revenus, qui sont avec toi, et t'arrives à rien faire. Et après, tu prétends être un étudiant. Bi'sa ma qult. Quelle mauvaise parole que tu as dite. Les vraies motivations et les vraies envies, où on les reconnaît dans les résultats? On les reconnaît dans les résultats. On les reconnaît pas dans les prétentions. Moi, j'aimerais bien être un alim. J'aimerais bien être un cheikh. J'aimerais bien apprendre le Coran. J'aimerais bien apprendre Kutub Sitta. Bah vas-y. Prouve-le. Et bien ces ulama l'ont prouvé. Minhum Sheikhuna Abdelaziz ibn Baz rahmatullahi alayhi. Parler des élèves de Sheikh ibn Baz est une tâche très difficile. Parce que Sheikh ibn Baz rahimahullah est le Sheikh de tous nos shuyukh. C'est le formateur de savants. Il n'y a pas un cheikh dans le même laka ou ailleurs qui ne nous dira pas Jalastu Amam Sheikh Ibn Baz. Et comme il dit Sheikh Sadhan, Hafizahullah, il dit on peut diviser ou bien catégoriser les élèves de Sheikh Ibn Baz en trois catégories. Ceux qui se sont assis devant lui directement, ceux qui se sont assis devant ses élèves et ceux qui se sont assis devant les élèves de ses élèves. À la kulli hal, de nombreux grands étudiants dans la science, salam, et de nombreux grands savants ont été les élèves de Sheikh Ibn Baz. Sheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, est un des élèves de Sheikh Ibn Baz. Et il lui a lu Sahih al-Bukhari. Et je pense que le plus grand élève de Sheikh Ibn Baz, sans aucun doute, c'est Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi, hafidhahullah wa ra'ah. Et wallahi, quand tu vois Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi, j'ai eu cette opportunité, grâce à Allah, physiquement, il ne lui ressemble pas. Taïb, Sheikh al-Rajihi, hafidhahullah, il n'est pas grand de taille, alors que Sheikh Ibn Baz était grande taille. Sheikh al-Rajihi, il a une longue barbe, alors que Sheikh Ibn Baz, rahmahullah, n'avait pas beaucoup de barbe. Mais, wallah, on dirait deux copies. On dirait deux gouttes. Quand Sheikh al-Rajihi parle, tu as l'impression d'entendre Sheikh Ibn Baz. Quand Sheikh Rajahi fait une explication d'un livre, c'est l'impression d'écouter Sheikh Ibn Baz. Et ça, c'est Shiddatul Mahabba. Si Allah Azza wa Jalla t'offre ce privilège de t'asseoir devant un savant, tu l'aimes. Et plus tu restes avec lui, et plus tu veux être comme lui. Sheikh Al-Uthaymin, il parlait de Sheikh Sa'di, il disait que les gens, ils l'aimaient tellement parmi ses étudiants, qu'ils imitaient même sa façon d'écrire. Alors qu'il n'écrivait pas spécialement bien. Et comme ils disent, Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, il est resté 40 ans avec Cheikh Ibn Baz. T'as quel âge, Akhita? Deux fois ta vie, il est resté avec Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Rajihi. Chef, une vie avec des savants. Et ça, cette multitude d'élèves que Cheikh Ibn Baz il avait, rahmatullahi alayhi, ce ne sont que des hasanats qui tombent en sa faveur après sa mort. Et malgré la multitude d'élèves qu'il pouvait avoir, il était consciencieux de savoir qui il avait devant lui. Et il rapprochait de lui ceux qu'il préférait parmi eux. Et il interrogeait lorsque certains parmi eux étaient absents, et quand il y en avait qui étaient malades, il disait aux élèves présents, levez-vous, on va aller visiter chez lui. Et il conseillait beaucoup ses élèves, et leur donnait des conseils en fonction de leur capacité. Et parmi les conseils qu'il donnait à Cheikh Sadhan, il lui disait, Ya Abdelaziz, ihfaz bulugh al-maram. Ya Abdelaziz, ihfaz bulugh al-maram. Il lui disait, apprends bulugh al-maram. Le livre d'Ibn Hajar dans l'Ahkam. Ma'rouf, هذا الكتاب. Le Cheikh Abdelaziz disait, il a dû me le répéter 6 ou 7 fois. Chaque fois, il me demandait, tu l'as appris ou pas? Toujours. Le Cheikh Abdelaziz, il a remarqué, en lisant dans ce livre-là, que la plupart des réponses que Cheikh Abdelaziz ibn Baz donnait aux fatawa étaient des ahadiths qu'il y a dans Bulugh al-Maram. Il y a même Cheikh ibn Baz qui a dit, celui qui a appris Bulugh al-Maram, et qu'il a bien étudié, il peut faire des fatwas. Le Cheikh As-Sadhan disait, je n'avais aucun doute sur le fait que Cheikh Ibn Baz connaissait sur le bout des doigts Bulugh al-Maram. Ça c'est un point de départ sur le reste de choses que Cheikh Ibn Baz connaissait par cœur. Et ça nous donne comme leçon l'attention que le professeur doit donner à ses élèves. Et ne pas se contenter d'être quelqu'un qui donne quelque chose sans regarder comment ceux qui sont devant lui le prennent. Et min shiddati ri'ayati al-ustad tujaha al-talaba an yusiyahum wa an yurshidahum wa in waqa'a fi nafsi talib min dhalika shay. طيب. Et parmi le comportement que le professeur doit avoir envers son élève est de lui faire des recommandations et lui donner des conseils et de le diriger, même si ça peut mettre dans le cœur de l'élève quelque chose de mauvais. Ça arrive des fois que le cheikh te donne un conseil, ou bien le professeur. Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, disait, tu te dois de respecter ton professeur, même s'il t'enseigne l'anglais. À partir du moment où il t'enseigne une chose que tu ne connais pas, tu lui dois le respect. Taïb. Donc il faut que le professeur il regarde les élèves qu'il a et qu'il les connaisse, qu'il les appelle par leur prénom et qu'il demande après eux et qu'il les interroge, et quand il voit un manque dans tel domaine, il lui dit fais ci, fais ça. Tout à l'heure, il y a un cours qui a été donné et le frère Hafidhahullah il a dit un verset. J'étais derrière là-bas, j'ai entendu un frère qui a interrompu le frère pour lui dire, répète le verset. Adalayenbari. Faut pas faire ça. L'élève, il n'interrompt jamais le professeur pendant le cours. Abadan. Tu prends des notes. Si t'as manqué quelque chose, tu te réunis avec ceux qui ont pris des notes dans le cours et tu vois avec eux. Tu imagines tout le monde y fait ça? On s'en sort jamais. On ne s'en sort jamais. Alors il faut apprendre le adab dans le dars. Il faut apprendre le comportement pendant le cours. Même si on n'est pas des shuyukh, on n'est pas des talabat al-ilm, il y a un minimum à respecter. Il y a un minimum à respecter. Deuxième chose, le frère toujours, qui j'ai remarqué souvent dans ses cours, il fait attention à ceux qui s'assoient derrière et leur dit rapprochez-vous. Qu'il ne connaît pas le hadith de Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu coller ses genoux à ceux du prophète alayhi salatu salam. Qu'est-ce qu'ils disent les savants? On conclut dans cet événement que le talib ilm doit s'approcher le plus du mu'allim. Et plus il est près de lui, et plus il profitera de lui. Et plus il sera attentif, et plus il aura peur de glisser, ou de se tromper, ou d'être inattentif. طيب وهكذا وغير ذلك نكتفي بهذين حتى لا نثق او نثقل اكتافكم. On se contentera de ces deux conseils pour ne pas trop alourdir vos épaules, même si ça gratte. Sauf le nefs, comment il gratte à l'intérieur là? Et ben ce nefs là, tu dois le mettre en dessous de tes pieds, tu dois l'écraser, tu dois le dompter, parce que le nefs il veut pas le khair pour toi. Inna an-nafs la ammaratun bis-su إلا ما رحم ربي والمرحومين قلة أو المرحومون قلة. لم elle ordonne le mal sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, et ceux à qui Allah il a fait miséricorde dans ce peuple là sont une minorité. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني يجي لله عز وجل يقول la plupart des gens ne cessent d'être en désaccord sauf ceux qui sont à qui Allah a fait miséricorde. Et la plupart des gens sont miséricorde. En désaccord. طيب. Donc le nefs, range-le et mets-le le plus bas possible. إذن شيخ ابن باز رحمه الله comme les autres grands savants a bénéficié de l'apprentissage de la science avec les grands savants de son époque. Et toujours on apprend quoi? Que plus tu côtoies les grands savants, plus ton apprentissage et ton éducation est complète. Et comme disaient les compagnons radiallahu anhum, il viendra une époque où on se délaissera le savant à la barbe blanche pour le jeûne. Pour le jeûne. Et les sahaba disaient ça, radiallahu anhum, à cette époque-là. Comme on a aujourd'hui. Des montagnes encore vivantes, qu'Allah nous les préserve. On n'entend même plus parler d'eux. Des fois, je donne des noms à des frères, ils les connaissent même pas. Subhanallah. Wallah, il y a un problème. On connaît le nom de tous les talabat al-ilm sur le bout des doigts. Et l'équivalent, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ils sont où, on ne sait pas ils font quoi. Il y a un problème. On a vraiment un problème. Et si on revenait à nos grands savants, plus souvent, wallahi mes frères, on aurait moins de problèmes. On aurait beaucoup moins de problèmes. Et j'insiste, et vous pouvez vous voir vous-même dans les biographies de nos grands savants qui sont morts, qui eux appelaient à cela et qui n'ont appris la science que chez les grands savants. Taïb. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était un savant sans aucun contexte. Sans aucune contestation. Il était un savant dans tous les domaines. Des fois, t'entends des gens dire, Cheikh Ibn Baz, il était fort dans le fatwa. Le Cheikh Al-Albani, il était fort dans le hadith. Le Cheikh Al-Uthaymin, il était fort dans le fiqh. Et t'as l'impression, quand ils disent ces choses-là, que Ibn Baz, rahimahullah, n'était pas fort dans le hadith et dans le fiqh, ou bien que Al-Albani n'était pas fort dans le fatwa et dans le fiqh, ou bien que Al-Uthaymin n'était pas fort dans le fatwa et dans le hadith. Wada ghalat fahish. C'est une erreur impardonnable. Et c'est un taqlil, c'est une diminution en ces trois grands savants. Ces trois grands savants qu'on a cités, rahmatullahi alayhim, étaient des savants dans tous ces domaines. Et celui qui pose une question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, dans un hadith, ou bien dans un rapporteur de hadith, il verra ajab al-ujab. Les élèves de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, ils allaient l'interroger sur un rapporteur. Comme il nous dit, Cheikh Sadhan, je le cite souvent parce que Cheikh Sadhan pour moi est un très grand Cheikh qui est très fort dans le fait de relater des événements, notamment dans les faits historiques de la Umma ou bien dans les personnes. Et je vous invite à consulter ses cours qui sont très bénéfiques. Il nous dit, des fois j'interrogeais Cheikh Ibn Baz rahimahullah sur des rapporteurs de hadith et sans aucune seconde de réflexion me sortait le hukm, le jugement sur ce rapporteur par rapport au Huffaz. Une fois, il a interrogé sur Al-Hajjaj ibn Arta'ah. Ibn Baz, rahimahullah, il a dit, Da'if Mudallis. Il a tiré une seconde. Il a sorti le hukm. Tu sais combien de rapporteurs il y a dans Kutub al-Rijal? Tu sais, il y en a combien? Il y a des milliers. C'est pas comme si je te demandais comment ton frère il est. Là. Un rapporteur de hadith. Et il nous disait que chaque fois qu'on lui demandait un hadith, il nous disait où le trouver. Allez dans le marji', quel livre, est-ce qu'il est dans le Bukhari, le Muslim, ou bien dans le Sunan, ou bien dans le Musnad, ou bien dans le Muwatta, ou autre. Le rapporteur et le bab. Et même des fois, la chaîne de transmission entière. Ayah min ayatillah. Wallahi, c'est un signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, d'avoir une telle compétence dans le fait de se souvenir avec une telle précision de ces infimes détails. Et aussi, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Cheikh Ibn Baz, on remarque la facilité qu'il a de sortir les versets du Coran dans leur contexte. Lorsqu'il fait le muhadara sur At-Taqwa, tu le vois enchaîner les versets du Coran dans lesquels Allah Azza wa Jalla parle d'At-Taqwa. Lorsqu'il fait le muhadara sur l'ilm, tu le vois enchaîner les versets du Coran où Allah Azza wa Jalla il parle des versets sur l'ilm. Et ainsi de suite. Impressionnant. Pas une seconde de réflexion. Remarquez-nous. Toujours, c'est quoi la fin? Ou bien je regarde dans mes notes. Et ainsi de suite. Eux, pas besoin de tout ça. Toi, tu vois, lui, il voit pas. mais wallah, ils vont mieux que toi. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahmallah, sans aucun doute, était un muhaddith. Sans aucun doute. Et son jugement sur les hadiths était un jugement de poids et de taille. Il y a des frères, des fois, qui me disent, Cheikh Al-Albani est un plus grand muhaddith que Cheikh Ibn Baz. Moi, je dis, comment tu sais? Moi, je peux pas dire ça, je suis désolé. Je ne peux pas dire cela. Soit, je le dirais parce que j'aurais entendu quelqu'un d'autre le dire, min al-ulama, la siyama al-barizin fi ilm al-hadith. Donc au moins j'aurais quelqu'un qui l'a dit. Moi je connais rien du hadith. Et je ne connais rien de la science de Cheikh Ibn Baz ni de celle de Cheikh al-Albani. Comment je peux dire cela? Sahih. Les ulama, ils ont dit que Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, muhaddith hadha al-asr. Taïb. Mais en quoi ça te donne le droit de dire qu'il était plus fort que Cheikh Ibn Baz? Ramène-moi le nom d'un savant qui a dit ça. Et je me plierai à sa parole. Parce que lui, il aura le droit de le dire. Il connaît le hadith. Il connaît les ulama. Toi, tu ne connais ni le hadith, ni les ulama. Idan, comment te permets-tu de dire cela? Comment tu peux dire que Cheikh Al-Abbad, ou bien Cheikh Hamad Al-Ansari, ou bien Cheikh Ahmed Shakir, ou bien Cheikh Ibn Baz, ou bien Cheikh Al-Uthaymin, ou bien Cheikh Muqbel, Cheikh Ibn Baz, ou bien Cheikh Al-Albani, ou bien Cheikh Muqbel, comment tu peux dire lequel de tout cela est le plus grand muhaddith? Comment? C'est tous des muhaddith. Ils ont tous des ouvrages dans le hadith. Ils ont tous du hukm dans le hadith. Voilà, c'est ajib. Qu'on apprenne à s'éduquer quand on parle des savants. Tu sais pas, tu dis rien. Tu dis deux étoiles dans le hadith. Ibn Baz Al-Albani. Si t'es capable de dire laquelle est la plus haute, vas-y. Sinon tais-toi, Ahsan. قل بخير تجتليه أو تحلى بالسكوت. Dis du bien, tu en profiteras. Ou orne-toi du silence. Orne-toi du silence. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, son livre préféré, c'était Fathul Bari. Cheikh Sadhan nous dit qu'il a lu au moins 9 fois de suite Fathul Bari. Et que des fois, on lui lisait des passages, il nous corrigeait. N'oublie pas que Cheikh Ibn Baz, il ne nous voyait pas. Et Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, il avait des kuttab, des écrivains, entre guillemets, qui étaient toujours avec lui. Et qui passaient leur temps à lui lire les livres. Et il aimait beaucoup aussi qu'on lui lise le livre d'Al-Zahabi, Tahdhib al-Tahdhib, dans les rapporteurs de hadith. Et d'autres livres, comme Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahmahullah. Des livres qu'on lui lisait à répétition et desquels il enregistrait ce dont seul Allah Azza wa Jal sait. Et then Cheikh Ibn Baz rahimahullah, un savant qui a étudié chez les savants et qui a formé des savants. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a quelques ouvrages, notamment des ta'liqat, des commentaires sur Al-Aqila Al-Tahawiyya ou bien Fath Al-Bari, Sharh Sahih Al-Bukhari d'Ibn Hajar Al-Asqalani. Il a des épîtres dans différents domaines, notamment sur la prière, ou sur le pèlerinage, ou sur la aqidah en général, ou bien même des fois sur certaines biographies comme celle de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayhi. On remarque qu'il n'a pas beaucoup d'ouvrages. Et vous savez pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi, était un homme très occupé. C'était une personne qui a vraiment sacrifié son temps pour Allah Azza wa Jal et les musulmans. On va juste voir le nombre de fonctions qu'il a occupées. On va voir celles qu'il a fait en premier par ordre chronologique. Il est resté juge dans une région de l'Arabie qui s'appelle Al-Kharj, 14 ans. Ensuite, il est passé professeur dans un centre, dans le Ma'had al-Ilmi de Riyad. Ensuite, il est devenu assistant du président de l'université de Médine. Ensuite, lorsque ce président il est mort, rahmatullahi alayhi, Cheikh Ibn Baz l'a remplacé. Il est devenu à son tour le président de l'université de Médine. Ensuite, naam, ça c'est les différentes fonctions qu'il a occupées les unes après les autres. Maintenant, on va voir les fonctions qu'il occupait en même temps. Voilà, accroche-toi. C'était le président de Idarat al-Ifta, Idarat al-Buhuth al-Ilmiya wal-Ifta, wal-Da'wati wal-Irshad. Un bureau qui est chargé d'effectuer des recherches concernant des situations particulières dont on ne trouve pas l'équivalent ou bien d'autres qu'on ne trouve pas dans les kutub anciens. Donc ils faisaient des recherches pour donner un hukm par rapport à ces situations-là. Et par la suite donner des fatwas. Donc ce groupe-là était composé de plusieurs savants et leur président était Cheikh Ibn Baz. Il était aussi le président de Hay'at Kibar al-Ulama, du corps des plus grands savants de l'Arabie Saoudite. Il était le président de l'Ajnatu Da'ima, du comité permanent. Il était le président de l'Majlis Al-Ta'sisi, l'Irrabitati Al-Alamiya. C'était le président du conseil élémentaire de la Ligue islamique, la Ligue mondiale islamique. C'était le président de l'Majma' Al-Fiqhi, de Makkah Al-Mukarrama. Cette réunion qui est composée d'éminents savants de par le monde, qui a une réunion une ou deux fois par an à Mecca, et qui discute sur de nombreux points touchant les musulmans sur terre. C'était le président aussi. C'était un membre de l'Assemblée supérieure de l'Université islamique de Médine. Et c'était un membre du corps supérieur de la prêche dans le monde islamique. Et il a occupé ses fonctions, ou la plupart d'entre elles, jusqu'à sa mort. Rahimahullah. Et il disait souvent à certains de ses élèves, lorsqu'il est arrivé à 80 ans, que ça fait 17 ans que j'aurais pu prendre ma retraite avec un salaire complet, sans aucune diminution de salaire, mais je reste dans mes fonctions pour être au service de l'islam et des musulmans. Et pourtant, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait deux femmes et des enfants. Et on se dit, quand est-ce que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, trouve du temps pour sa famille? Alors on a un de ses élèves qui nous raconte, il nous dit qu'ils étaient à Riyad et qu'ils ont voulu visiter Cheikh Ibn Baz alors qu'il était à Médine. Alors ils ont été voir un des chouyours qui le connaissait bien pour leur faire un papier pour que Cheikh Ibn Baz les accueille. Lorsqu'ils arrivèrent à Médine, c'était la nuit du vendredi. Et quand je dis la nuit du vendredi, ce n'est pas comme on pourrait le comprendre celle qui va amener à samedi. Mais la nuit du vendredi, c'est celle qui va amener au vendredi. Comme vous le savez, nous on commence par la nuit. On commence par le Maghreb. Donc on va dire chez nous, c'est la nuit du jeudi. Donc c'était jeudi après le Maghreb. D'accord? Ils sont arrivés à Médine. Ils ont trouvé Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans sa mosquée. Ils ont été le voir. Ils ont dit, Cheikh, voilà, on vient de la part d'un tel. Et on aimerait venir te voir demain, si c'est possible. Alors Cheikh Ibn Baz, il leur dit, ah, mais le problème c'est que vendredi, c'est le jour où je reste avec ma femme et mes enfants, avec mes femmes et mes enfants. Alors, un des deux tullabs, il a dit, khlas, Cheikh, il leur a dit, revenez samedi. Alors, un des deux tullabs, il lui a dit, Cheikh, le problème, c'est qu'on reprend les cours le lendemain. Et on n'a pas d'autre jour pour venir te voir. Alors, il leur a dit, khlas, venez me voir demain, après Shuruq, lorsque le soleil sera levé. Le lendemain, ils vont à l'adresse de la maison de Cheikh Ibn Baz. Et lorsqu'ils frappent, ils se rendent compte que la porte est ouverte. Et voici qu'une personne arrive et il leur dit, vous frappez la porte de qui là? Alors le talab qui rapporte l'histoire, il dit, j'ai eu peur de m'être trompé de maison. Alors il a dit, la maison de Cheikh Ibn Baz, c'est pas celle-là? Il a dit, l'homme il répond, bien sûr. Mais depuis quand on frappe à la porte de Cheikh Ibn Baz? La porte de Cheikh Ibn Baz était toujours ouverte. Ils rentrent. Ils arrivent dans la salle principale où Cheikh Rahmatullah Alayhi accueillait ses invités. Et il la trouve pleine de monde. Alors ils s'assoient. Ils attendent leur tour. Jusqu'à la prière de Dhuhr. Ils vont faire la prière à la mosquée. Et là, ils vont voir Cheikh après la prière. Il dit, Cheikh, tu nous as dit de repasser aujourd'hui. Il a dit, khlas, venez manger avec nous. Alors, ils sont partis, ils ont mangé. Et après le repas, Cheikh, il a dit, où ils sont, Foulan, il les a nommés. Et alors, ils se sont rapprochés de lui et ils ont discuté ensemble jusqu'à l'Asr. Après l'Asr, ils n'ont pas voulu abuser de sa générosité et ils sont partis. Mais les gens qui étaient là ne sont pas partis. Et c'est comme ça que passait Cheikh Ibn Baz, rahmallah, ces journées entre guillemets de repos. Et là, je lance un conseil à nos sœurs dans différents points. Premièrement, qu'elles cherchent absolument à guérir leur allergie, comment déjà, à la polygamie. Et qu'elles se rendent compte que cette allergie, elles ne l'ont attrapée qu'en grandissant dans ce pays. Dans une société soi-disant monogame, je dis bien soi-disant, parce que le comble du paradoxe, c'est qu'ils interdisent la polygamie et qu'ils autorisent l'adultère. Tu vas dire à quelqu'un, j'ai deux femmes, ils te font un procès. Tu dis, j'ai une maîtresse? Il dit, bah, rien, enfin, ils disaient ça. Ils disent, ah, bah, tant pis, bah, alors, ils disent à la femme, écoutez, madame, on n'y peut rien. Je sais pas si vous avez lu des articles ou bien vu des reportages où t'entends des femmes dire, des kafras, des mécréants dire, j'abandonne, mon mari c'est un coureur de jupons, bah, qu'il fasse ce qu'il veut. Entre guillemets, elle s'est soumise au choix de son mari d'aller voir ailleurs. Elle demande pas le divorce. Elle demande pas le divorce. Et elle reste, elle dit, moi j'ai des enfants, je me suis marié avec lui, ben tant pis, il fait, bon voilà, tant pis. Et toi, musulmane, consciencieuse de suivre la sunna, et de ressembler aux pieuses, prédécesseuses, comment on dit? Celles qui nous ont précédées. Ça, c'est marrant, hein. Donc, qui sont consciencieuses de suivre nos pieuses femmes des prédécesseurs, rahmatullahi alayhin, où il est à, où elle est, donc c'est ton acharnement, où elle est, où il est plutôt. Ces sœurs qui disent à leur mari, écoute, tu ne seras jamais polygame avec moi, parce que quand on aura pris la deuxième, tu te retrouveras qu'avec une parce que je vais partir. Ah, apparemment les frères, ils ont déjà entendu celle-là. Hein? Maintenant, d'un autre côté, j'en profite pour parler aux frères aussi, qui passent leur temps à rêver de la polygamie. Eh les frères, réveillez-vous. Tu veux être polygame? Bismillah mon frère. Mais il faut que tu sois juste. Et ce que tu donnes à l'une, tu dois le donner à l'autre. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'euros frère. Taïf. Et sache que si tu prends deux femmes, ou trois, ou quatre, et que tu es injuste envers l'une d'entre elles, tu viendras yawm al-qiyama wa shiqqu kama'il. Et la moitié de ton corps, elle sera pendra, ou du moins tendra, vers un côté. Et ça, je me crois que c'est pas une bonne nouvelle, ça. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Taïb. crains Allah. Parce qu'on en a vu, nous, des frères qui parlaient jour et nuit de la polygamie, comme si c'était la seule sunna qu'ils pouvaient appliquer, et lorsqu'ils ont pu le faire, ils ont fait des catastrophes. Alors les frères, qui dit polygamie, dit équité. Et qui dit équité en France, dit beaucoup d'argent. Ça veut dire deux appartements, donc de loyer, donc de frigo, donc deux fois plus de courses, donc des enfants, donc des couches, donc j'en passe des meilleurs. Alors redescends sur terre mon frère, reste sur le sol. Mais les sœurs de l'autre côté, faut pas qu'elles croient aussi c'est bon, on est tranquille. Qu'elles craignent Allah, qu'elles craignent Allah. Ma femme m'a dit une fois qu'il y a une sœur qui vient la voir. Elle lui dit, Ourti, t'es mariée? Elle lui dit oui. La sœur a fait, dommage. Elle m'a dit, pourquoi? C'est que mon mari qui cherche une autre femme. Mon mari cherche une autre femme. Ta femme, elle aurait fait ça, toi? Elle n'aurait pas fait ça. Donc, faut vraiment que les femmes musulmanes craignent leur Seigneur, ainsi que les frères musulmans. Non, pas les frères musulmans. Que les frères, faut pas qu'il y ait des amalgames, on va dire, oh, ils défendent les Ikhwan. Ainsi que les frères craignent Allah. Taïb, le Cheikh Ibn Baz, rahmallah, avait deux femmes. Il avait beaucoup d'enfants. Et même des enfants à lui qui disaient quand il le pouvait, il nous ramenait dans la campagne et il nous amenait nager. Et dès qu'il le pouvait, passer du temps avec nous. Il était juste avec ses femmes à un point où il priait toujours sunnatul maghrib chez l'une de ses femmes. Parce que il passait chez une de ses femmes, toujours après le maghrib. Donc il faisait le maghrib à la mosquée et il partait chez sa femme pour faire nafila chez elle. Parce qu'il a fait la veille, la nafila du maghrib chez l'autre. Tu réponds à ça, toi, Yahri? À penser à faire le même nombre de nawafil chez tes deux femmes? Que dire du reste? Taïb. Le Cheikh Ibn Baz, rahmallah, t'es quelqu'un qui avait donné son temps à Allah et aux musulmans. Et je reviens sur les sœurs. J'avais dit deux choses. La deuxième, c'est que les femmes patientent, yarhamukallah, que les femmes patientent envers leur mari lorsqu'ils veulent étudier la science, lorsqu'ils veulent apprendre, lorsqu'ils veulent aller avec les frères à la mosquée ou bien voyager, ou bien même ceux qui sont amenés à faire des da'wah et à voyager. Parce que aussi une des séquelles et des conséquences de l'éducation dans ce pays, c'est la femme, elle accroche à son mari, on dirait un cadenas. Non, t'es toujours dehors, t'es jamais avec moi, tu m'accordes pas assez de temps, tu me montres pas que t'as fait de l'affection, on dirait pas que tu m'aimes, on descend en Barbara ou non, il se passe quoi là? Il faut oublier ça. Les séries que t'as regardées quand t'étais jeune, oublie-les. Je m'appelle pas Brandon. Et tu t'appelles pas Brenda. Nous on s'est mariés pour que toi et moi on aille au paradis. On s'est mariés pour que nos enfants ils soient des bons musulmans. On s'est marié pour obéir à Allah Azza wa Jal. Et na'am, l'hub yadkhul wa labud. L'amour y rentre. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'amour entre l'homme et la femme. Mais il faut savoir que l'image qu'on donne à l'amour entre les époux ici, est mouchawweh, jiddan. Il est complètement faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que je ne suis pas avec toi que je ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que je passe du temps à l'extérieur que je ne pense pas à toi. Allez, frère, oh. L'abuse là. Mais non, voilà, c'est vrai les frères. On va aller rigoler, je bois de l'eau pendant ce temps. Non, voilà les frères, c'est vrai. Et on demande aux sœurs de nous faire rahma, de faire miséricorde. La plupart d'entre nous ici, je sais pas c'est comment dans le nord, mais ils tenaient les murs des cités quand on était jeunes. Moi, j'ai jamais eu de scrupule à taper des filles, hein. Quand j'étais au collège, je vous rassure. Avant, ils nous disaient, on tape une femme avec une rose. Moi, je leur disais, moi, je les frappe avec des épines. Toi, tu retournes la fleur et tu lui mets des coups d'épine. À la coulée, on n'était pas du tout romantique. On connaissait pas, nous, les mots doux, les mots tendres. On connaissait pas. Alors t'arrives avec une sœur, elle croit tu vas lui ramener des fleurs, elle croit tu vas lui caresser les cheveux, elle croit tu vas lui faire des clins d'œil. Non. Après on se force, on essaye. Hein, moi je dis pas qu'il faut pas le faire. Il faut montrer à son épouse qu'on l'aime. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Il a eu aucun scrupule à dire à Amr ibn al-As, radiallahu anhu, lorsqu'il l'a interrogé sur la personne qu'il aime le plus. Man ahabbu an-nas ilayka ya Rasulallah? Qala Aisha. T'aurais osé dire le prénom de ta femme devant les frères, toi? Jamais. T'es malade ou quoi? Tu dis pas le prénom de ma femme. Est-ce que t'aurais osé dire aux frères que t'aimes ta femme? T'aurais osé, toi? اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن للجميع أني أحب زوجتي وأسأل الله أن يحفظها وأن يجزيها خيرا على صبرها معي. Moi je dis devant vous tous que j'aime ma femme et je n'ai aucune pudeur, aucune honte à vous le dire, et je demande à Allah de la préserver et je demande à Allah de la récompenser pour la patience qu'elle a avec moi, parce que c'est pas du gâteau, je suis pas du gâteau. Elle m'appelle le fantôme. Je me suis marié avec un fantôme. Et les frères qui me connaissent, ils le savent. Taï, mais alhamdoulilah, elle est patiente. Et que les sœurs sont patientes. Patientez mes frères, mes sœurs. Patientez mes sœurs, là, c'est ce qu'il fallait pas faire. Là, c'est ma femme, elle m'entend, elle a oublié ce que j'ai dit, là, ça, elle est énervée. Patientez mes sœurs. Avec vos maris. Patientez, barakallahu fikoun. Patientez. Laissez vos maris étudier, laissez vos maris côtoyer des gens qui, inchallah, sont pieux, laissez vos maris voyager pour apprendre la science. Wallahi, vous le gagnerez que en, vous le gagnerez que plus dans votre relation avec lui, votre amour pour lui et le lien qui vous unit. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on s'éloigne du sujet, excusez-moi. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ça crée le Maghreb. Taïb. Ce sera en deux parties, je crois. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a donné son temps à Allah Azza wa Jal et aux musulmans. Là, ceux qui veulent faire l'ouzo, qu'ils allaient faire l'ouzo. Même si ça va un peu m'embêter de vous voir vous lever et de vous rasseoir, mais khayr, inshallah. Et là, j'aimerais qu'on voit ensemble une journée de Cheikh Ibn Baz. Comment elle se passait? Sachez premièrement, mes frères, que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était connu pour ne dormir que 4 heures. Il ne dormait que 4 heures. Des fois, il dormait 4 heures la nuit, il dormait une heure dans la journée, en plusieurs fois. Mais sinon, il ne dépassait pas 4 heures la nuit. سل نفسك يا عبد الله كم تنام عيناك. Interroge-toi, ô mon frère, combien de temps dors-tu? Combien de temps, combien d'heures tu peux dormir? Donc il ne dormait que quelques heures et se réveillait au début du dernier tiers de la nuit. Et il faisait Qiyam al-Layl. Encore Qiyam al-Layl. Subhanallah. On trouve toujours les meilleures choses chez les meilleures personnes. J'ai pas entendu un grand savant, je n'ai pas entendu un pieux, un bienfaisant, qui n'avait pas une part dans Qiyam al-Layl. J'en connais pas. Il faisait Qiyam al-Layl. Ensuite, on l'accompagnait à la mosquée pour faire la prière d'Al-Fajr, dans laquelle en général il était lui-même. Après la prière, il faisait le dhikr du matin. Et la plupart du temps, il récitait 100 fois « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir » tous les matins, plus les adhkar que vous connaissez tous, bien entendu. Hein, Riyad, il a rigolé. Ensuite, il avait un dars. Alors accroche-toi à les livres qu'il faisait Cheikh Ibn Baz. Soit il faisait l'explication de Fath al-Bari, soit il faisait l'explication de Bulugh al-Maram, soit il faisait l'explication d'Al-Kutub al-Sitta. Al-Kutub al-Sitta, toi qui ne connais pas, c'est Sahihain et Sunan al-Arba'a. Al-Arba'a. Abu Daoud, Maja, Tirmidhi, Nasa'i. Ça, Kutub al-Sitta. Kutub al-Tisa'a, c'est quoi les trois autres? Qui les connaît? On a Kutub Sitta, on a Sahihain, on a Sunan al-Arba'a. Un plus l'autre, ça fait Kutub al-Sitta. Et ça, mes frères, sachez en général que c'est le minimum de hadith qu'un savant y connaît. Tout ça. Après, on a Kutub al-Tisa'a. Donc les six qu'on a évoqués, plus trois autres. Quelqu'un m'en donne un? Là. Ahmed, Ahsant, Musnad, l'imam Ahmed. Le Majah, on dit, il est dans les quatre Sunan. Al-Muwatta, l'imam Malik. Là, pas le Mustadrak. Non plus. Non. Là. Alors, ils sont talabat al-Hadith. Al-Bayhaqi. Sunan al-Bayhaqi. Et d'autres. D'accord? Ala kulli hal. Il avait donc shuruh ala. Ahadith al-Kutub al-Sitta. Il avait des shurouh dans les livres de l'Aqidah, comme al-Tahawiyya, comme al-Tadmouriyya, comme Kitab al-Tawhid, comme al-Usul al-Thalatha, et d'autres. Il donnait un dars après les adhkars qu'il faisait après le soubh. Il faisait ceci jusqu'à ce que le soleil se lève. Ensuite, il faisait la ka'atayn et il retournait chez lui, où il prenait un petit déjeuner assez léger. Il se reposait un peu. Et aller au travail, comme on dit, à son bureau, où il commençait à 9h du matin. Dans son bureau, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait deux scribes, un à sa droite, un à sa gauche, qui lui lisaient les journaux. Il était très consciencieux à être au courant de ce qu'il se passe, dans son pays et à l'extérieur. Et chaque fois qu'il recevait un étranger, ou bien quelqu'un, il demandait dans quel pays il habite. J'habite en France. Et qu'est-ce qu'il demandait? Comment la sunna est là-bas? Comment les musulmans sont là-bas? Comment la da'wa est là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Et ça, il interrogeait sur Ahwal al-Muslimin. Et wallahi, parmi un de ses plus grandes qualités à ce noble cheikh, c'est le souci qu'il avait pour la Ummah. Il avait un amour et un souci envers les problèmes et les difficultés que rencontraient les musulmans. Wallah, impressionnant. Et on va le revoir par la suite, Inch'Allah. Donc, il recevait les gens. Et il répondait au téléphone. Et il écoutait les différents articles qu'il y avait dans les journaux. Et il dictait à ses scribes des choses à écrire. Ou bien leur demandait de leur lire certaines choses et ainsi de suite. D'ailleurs, une fois, il y a un de ses scribes qui lui a parlé du jihad qu'il avait en Afghanistan, le premier. Dans la fin des années 70, avec les Russes. Et lorsqu'il a su que les Afghans étaient touchés par le froid et la faim, il n'a pas pu retenir ses larmes. Et il s'est mis à pleurer longuement lorsqu'il a su les difficultés que rencontraient les musulmans dans ce pays à cause de la guerre. Et nous, on en profite pour conseiller nos frères. Et wallahi, il y en a beaucoup malheureusement qui nous parlent maintenant de la Palestine. Ils nous disent, ouais, là-bas il y a que des moubtadi'a, ouais, là-bas ils font plein de péchés. Je suis d'accord avec vous, les frères. Walakin, tu n'as pas un peu de rahma pour ces gens qui meurent tous les jours? Ta peau ne frémit pas quand tu vois des enfants morts par terre? Quand tu vois des vieilles dames pleurer? Ça ne te fait rien de voir des gens qui disent la ilaha illallah et qui doivent se battre pour aller faire la ka'atayn dans l'Aqsa? C'est des musulmans, ya akhi. Na'am, ils vont des péchés, toi aussi tu fais des péchés. Tu vas me dire que ce sont, yarhamukallah, que tous ces gens-là, ils sont responsables de cela. N'oublie pas ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum. Et craignez une tentation, une épreuve qui ne touchera pas seulement les injustes parmi vous. Ça touchera pas que les injustes. Il n'y a pas que des gens qui, il n'y a pas que des gens injustes qui touchent, sont touchés par ces guerres et par ces morts et par ces famines. Si vraiment tu ne veux pas avoir de pitié envers les injustes, alors que tu en aies envers ceux qui ne le sont pas. Envers ces vieillards. Envers ces femmes et ces enfants qui pleurent. Parce qu'ils n'ont plus d'endroit où dormir. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Parce qu'ils voient toute leur vie des membres de leur famille mourir sous leurs yeux. Et ça ne te fait rien. Wallah, j'ai entendu un frère, il m'a dit quoi? C'est bien fait pour eux, ils ont que ce qu'ils méritent. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Wallah, ya akhi. Ou toi qui as le cœur aussi dur que la plus dure des montagnes, on craint pour toi que ce cœur que tu as dans la poitrine ne soit mort. On craint pour toi que ce cœur que tu as dans la poitrine ne soit mort. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on lui parlait des gens dans ces pays qui mouraient de froid, qui mouraient de faim, ils pleuraient. Et wallah, il a des mawaqif, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sajjalat hat-tarikh, que l'histoire elle a enregistré, qui sont inoubliables. Et tu vas me dire, tu connais la sunna mieux que lui? Tu vas me dire, tu suis le salaf mieux que lui? Jamais. Abadan. Alors qu'on remette tout ça à leur place, barakallahu fik. Cette langue-là, comme il disait Abu Bakr, radiallahu anhu, hadha, awradani al-mawarid. Ce morceau de chair qu'il y a dans ma bouche me fait courir les plus grands risques. وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. Et c'est quoi qui fait plonger les gens en enfer sur leur front ou sur leur visage si ce n'est la récolte de leur langue? Si ce n'est la récolte de leur langue. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. Tu ne prononces une parole sans que tu n'aies auprès de toi quelqu'un qui surveille et quelqu'un qui est prêt à inscrire. Tous ces mots que tu dis, si tu ne t'en repens pas, Allah Azza wa Jalla t'interrogera dessus. Alors prends garde. Prends garde à ce qui sort de ta bouche. Prends extrêmement garde à ce qui sort de ta bouche. Ils me disent quoi? Ils disent ouais, ils vont en boîte. Ils vont pas à la mosquée. Je vais vous te dire, en France, ils vont pas en boîte, ils vont pas à la mosquée. Et dans nos pays, ici et là, ils vont pas en boîte, ils vont pas dans les mosquées. Pourquoi il n'y a pas des guerres alors? Tu ne sais pas, Hikmatullah Azza wa Jal fi khalqih. Tu ne sais pas toi. Pourquoi? Allah, il a choisi qu'il y ait une guerre là-bas et pas ici. Et tu ne sais pas pourquoi c'est ces musulmans-là qui souffrent et pas les autres. Alors qu'ils font soit la même chose ou soit pire. Tu ne sais pas, ya. Alors, ala al-aqal, au minimum, ne rentre pas dans les domaines qui ne te concernent pas ou bien auxquels tu n'auras aucun moyen de connaître. Qulna kam baqi min al-waqt. Inshallah al-kafi li baqiyat al-yawm. Donc on a dit, que les gens ils venaient le voir, ils lui posaient des questions, ils lui faisaient part de leurs problèmes personnels et chaque fois qu'ils pouvaient résoudre leurs problèmes, ils le faisaient. Et ils faisaient ainsi jusqu'à la prière de Dhuhr. Ils allaient à la mosquée. Ils faisaient le rawatib. Ils faisaient la prière obligatoire. Ils refaisaient le rawatib après. Et ils retournaient au bureau parce que l'heure de la fin du travail, c'était à 14h30. Et ils recommençaient comme ils faisaient le matin. Ensuite, ils retournaient chez lui. Et la plupart du temps, ses invités qu'il avait invités étaient déjà chez lui à l'attendre. Étaient déjà chez lui à l'attendre pour pouvoir partager ensemble le repas. Ensuite, c'était le café et le thé qui tournaient entre les présents. Et bien sûr, il y avait des discussions en or qui tournaient dans cette assise bénie. Parce que rester avec des savants, c'est un plaisir, wallah, un des rares plaisirs qui reste dans ce bas monde. Et être accroché à leurs lèvres, pour pouvoir être le premier à attraper ces fawa'id qui sortent de leur bouche. Ou au moins, pour pouvoir l'observer et voir comment il parle, voir comment il bouge, voir comment il mange. Et se dire, j'ai devant moi un savant. Et ça, il restait ainsi jusqu'à l'Asr. Ensuite, à la mosquée, une fois de plus, il faisait la prière et en général, il faisait un petit cours après la prière de l'Asr. Ensuite, il rentrait chez lui et il essayait de se reposer un court instant jusqu'à le Maghreb. Après, il allait faire le Maghreb à la mosquée et il rentrait chez lui, pas pour se reposer, non, mais pour demander à ses scribes de lui lire ses livres préférés, comme Tahdhib, Al-Tahdhib, ou bien Al-Fatih, ou bien autre. Il était très au courant de l'actualité, que ce soit au niveau mondial, ou même au niveau de la science musulmane, les derniers livres qui sortaient, ou bien les derniers avis de certains savants, et autres. Ensuite, à l'heure de l'Isha, il allait à la mosquée une fois de plus, il priait, et ensuite il rentre chez lui afin de dîner, toujours avec lui des invités. Et il reste ainsi jusqu'à une heure très tardive. Il était très rare que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, n'ait l'occasion de dormir avant minuit. Ensuite, comme on a dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lorsque ses invités partaient, après minuit, dormait 3 ou 4 heures, pour se réveiller avant le Fajr, longtemps avant le Fajr, pour pouvoir faire Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ne ratait pas Qiyam al-Layl. On a un de ses scribes qui nous raconte qu'une fois, il a voyagé avec Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, jusqu'à Mecca. Et ils étaient dans la chambre d'hôtel. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dictait à son scribe de nombreuses choses à écrire. Jusqu'à ce qu'il soit 23 heures. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, regarde, subhanallah, hikmatur rajoul. Il s'arrête un moment, il n'oublie pas qu'il est aveugle et qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il dit, yabdu annana ta'ibna. Il dit, on dirait qu'on est fatigué, toi et moi. Mais Cheikh Ibn Baz, il n'était pas fatigué. S'il a dit ça, s'il a dû se dire que mon katib hada, il n'oserait jamais me dire, Cheikh, arrête-toi, je suis fatigué. Et il n'a pas voulu dire, peut-être que t'es fatigué, toi, pour le mettre mal à l'aise. Il a dit, peut-être que tous les deux, on est fatigués. Viens, on s'arrête. Le katib l'a dit, khalas, d'accord. Ils ont été faire l'ouzo, tous les deux, et ils ont fait quelques rak'at. Et lui, le katib, celui qui raconte, il dit, j'en ai fait quelques-unes, mais j'étais tellement fatigué que j'ai pas pu en faire beaucoup. J'étais dormir. Après minuit, j'ouvre les yeux et je vois Cheikh Ibn Baz en train de prier. Je me rendors et un peu avant le Fajr, j'ouvre les yeux et je vois Cheikh Ibn Baz en train de prier. Il n'a pas dormi de la nuit. Une autre fois, Cheikh Ibn Baz, rahmallah, était avec ses élèves à lui, ils avaient fait des cours à Taif, une ville qui est à 60 km de Mecca, et ils devaient revenir à Riyad, qui était à plus de 1000 km. En voiture. Alors ils ont roulé longtemps, et lorsque la nuit arrive, du moins à une heure très tardive, on est nus en arabe, on est nus en français, on sert à rien, Allah il sait. À la kullihan, à une heure très tardive de la nuit, Cheikh Ibn Baz yuridul karra, il recommence. Il dit aux gens, avec eux dans la voiture, yabdu annana ta'ibna. Je crois qu'on est fatigué. Tout le monde dit, oui, cher, on est fatigué. Cheikh, il a dit, khlas, on va s'arrêter dans un coin de la route et on va dormir dans la voiture. Du moins, ils vont frash, comme on dit, ils ont installé un coin pour dormir et ils vont dormir. L'élève qui raconte l'histoire, il dit, on a à peine posé nos pieds par terre qu'on s'est endormi directement. Et qui c'est qui est resté réveillé? Cheikh Ibn Baz, Samahatul Walid, Rahmatullahi alayhi. Et pareil, Chacun d'entre eux, il a eu un léger réveil pendant la nuit. Et chaque fois, il trouvait Cheikh Ibn Baz debout en train de faire la prière. Et il avait 80 ans, mes frères. Fa'ayna quwwatu shabab. Où est la force de la jeunesse? Ya akhi, toi qui n'as pas encore 40 ans et qui n'arrive pas à consacrer une demi-heure la nuit, comment tu vas faire toi quand tu auras 60 ans? Si tu n'es pas capable de faire ça alors que tu es fort, jeune et robuste, comment est-ce que tu arriveras à le faire quand tu seras faible, vieux et fragile? Il y a un salaf qui disait, pendant 10 ans, j'ai souffert en faisant Qiyam al-Layl. On ne dit pas que c'est facile. C'est difficile. Mais il faut souffrir. Et c'est après ces 10 ans-là que j'ai éprouvé la saveur et le plaisir de Qiyam al-Layl. Ton âme, il faut la dompter. Comme le mec dans le cirque avec la chaise dans la bouche du lion. Il lui met des coups de fouet. Il faut la dompter, ton âme. Si tu le laisses prendre les contrôles, les commandes, tu n'arriveras à rien. Il faut te forcer. Comme tu arrives à te forcer à ne pas dormir quand tes amis sont avec toi. Comme tu arrives à te forcer à ne pas dormir quand il y a un tournoi de PES. Là, je sais parce que je sais que les frères, ils sont amateurs de PES. Ceux qui connaissent pas, qui ne connaissent pas, Inch'Allah. C'est pour eux. Taïd, tu arrives à te retenir de dormir quand je travaille la nuit à l'usine. Même si c'est difficile. Alors pourquoi tu n'arrives pas à te retenir de dormir pour Allah Azza wa Jal? 80 ans, Cheikhouna rahmatullahi alayhi, avec lui des jeunes, ils sont éreintés, morts de fatigue. Aucun d'entre eux n'arrive à tenir debout, tous comme des mouches. Et Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, ala ra'si, 80 sana. يظل واقفا طوال الليل يناجي ربه عز وجل في ركعات لا يعلم عددها الا الله عز وجل. Hein? Du haut de ses 80 ans, Cheikh Ibn Baz, il reste debout la nuit à être dans une intimité avec son Seigneur et à prier pour lui un nombre de ركعات dont seul Allah عز وجل sait. Allez frères, avancez, barakallah fikoum, il y a du monde et des gens qui attendent. Naktafi bihada al-qadr inshallah wa lana a'ouda ba'da as-salah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. On va s'arrêter là, on va faire la prière et bi'idhnillah on finira après la prière. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, barakallah.